Dans la conclusion de ses pensées sur la comète, Bell résume son argumentation. Esprit critique, esprit scientifique. Si les comètes étaient le présage de quelques malheurs, ce serait, ou parce qu'elles sont la cause efficiente de ces malheurs, ou parce qu'elles sont un signe de ces malheurs. On ne doit point nier cela. Or, ce n'est ni parce qu'elles sont la cause efficiente de ces malheurs, ni parce qu'elles sont un signe de ces malheurs. La conclusion sera facile à tirer, pourvu que je prouve les deux parties de cette proposition. Tout ce qu'on peut prouver par l'expérience se réduit à ceci. C'est que toutes les fois qu'il a paru des comètes, on a vu arriver de grands malheurs dans le monde. Ce qui est si éloigné de prouver que les comètes ont été la cause de ces malheurs, qu'on prouverait tout aussitôt que la sortie d'un homme hors de sa maison est la cause pourquoi tant de gens ont passé dans la rue toute la journée. En un mot, c'est raisonner pitoyablement que de conclure que deux choses sont l'effet l'une de l'autre, de ce qu'elles se suivent constamment l'une l'autre. Mais il y a plus, c'est que l'expérience ne prouve pas qu'on ait vu plus de malheurs après l'apparition des comètes qu'en un autre temps. Si les comètes étaient un signe de quelques malheurs, différents des signes naturels et des signes d'institution, il faudrait que Dieu leur imprimât certains caractères tout particuliers, qui les rendît significatifs, au défaut d'une révélation expresse, qui justifiasse le jugement de ceux qui soutiennent que ce sont de mauvais présages, et qui rendissent inexcusables ceux qui n'en croient rien. Or, c'est ce que Dieu n'a point fait. Au contraire, il les a tellement dépouillés des véritables marques d'un produit significatif qu'il semble qu'il ait voulu prévenir notre crédulité naturelle. Il les a soumises à la juridiction du soleil, qui dispose de la situation de leur queue, comme il ferait du moindre nuage, et à celle des brouillards ou des nues qui nous en dérobent la connaissance la moitié du temps. Il leur donne quelquefois un mouvement qui les conduit d'abord auprès du soleil, où elles deviennent invisibles. Il leur donne aussi quelquefois, ou si peu de grandeur, ou une si grande élévation, qu'elles ne sont vues de personne, si ce n'est peut-être de quelque astronome qui se morfond toutes les nuits à contempler les étoiles avec un bon télescope.